mis à l'écart dès leur premier cours. Tu vois bien que les jeunes ont les nerfs à vif. À force d'encaisser les coups dans leur parcours, motherfucker. Les jeunes ont les nerfs à vif. État de siège dans ce monde immobile, comme des statues de bronze. Les nerfs à vif lâchent une grenade dans leur réseau. Les gens se foutent de tes problèmes sur cette terre pleine de vie et de visages étrangers. Tout le monde c'est des visages dans les mêmes blocs, tous dans le même sac, les uns sur les autres. Les gosses grandissent dans le vice, envie de faire sauter la barque et la brime. Pas de break, le staff s'organise. Même dans le bordel, on reste debout droit, parole immortelle. On lui donne des coupes gorge, on parle pas au lèche, tu es au lâche. Marocco a le panache, même si des fois c'est la dèche. À l'immense staff allume la mèche, il gravit les marches, boycott le marché. Tous pieds au plancher, le staff les nerfs à vif, c'est là au fond de nous-mêmes. Demande à Marocco, pas près de flancher. Combien de kiff, picole ou sniff, ou pas shot de sheriff. Pas d'académiser les constats, demi les plus tristes constats. Les jeunes ont les nerfs à vif. Combien de kiff, picole ou sniff, ou pas shot de sheriff. Pas d'académiser les constats, demi les plus tristes constats. Les jeunes ont les nerfs à vif. On a le mot à la crampe, pire les nerfs à vif. Car la foi, il faut qu'on y arrive. Des rues de Marseille jusqu'à Bagdad et Tel Aviv. Des larmes coulent sur les joues des mères, un climat oppressant s'imprègne. Sur les parois des prisons, et même au parloir, la même merde. Les mêmes signes annonciateurs d'un dénouement impitoyable expliqué dans les saintes écritures. On se demande tous en fait chaque jour pourquoi c'est si dur. Chalaque nos esprits durs face à toutes ces ordures. C'est les nerfs à vif de toi qu'a besoin d'exprimer, de gueuler. Orphelin à Kaboul, rejeté en classe relais. Symptômes identiques à l'heure où la planète est régie par le pouvoir des médias. Lié à la monnaie, putain, plus rien n'est donné. Aujourd'hui, la liberté a un prix, celui de ne pas répondre et réagir face à leur mépris. Au nom des miens, je les emmerde à mort et basta. C'est pour le ministère de l'Intérieur, écoute Sarkozy. Mais pour qu'ils aillent tous se faire un peu maculer. Tu sais qu'on est en 2004, maintenant je peux plus reculer. Les flics attendent le faux pas qui me ferait plonger. À leur schéma de vie, je reste étranger. Au fond d'eux, ils veulent nous trancher. Une lame, un gun, un gramme de tch dans le jean. Un enfoiré qui jette la haine. Alimente staff, on garde les nerfs à vif. Regarde autour de toi et la haine sera vive. Combien de kiff, picole ou sniff, ou pas shot de sheriff. Pas d'académiser les constats. Demi les plus tristes constats. Les jeunes ont les nerfs à vif. Combien de kiff, picole ou sniff, ou pas shot de sheriff. Pas d'académiser les constats. Demi les plus tristes constats. Les jeunes ont les nerfs à vif. Les nerfs à vif dans mon corps quand le matin se lève, je suis neuf. Dans ce monde d'enculé, tu ouvres les yeux et faire rien de neuf. Rien qui va comme tu le voudrais, c'est la merde dans nos vies. Pourtant, parler pas assez de place dans un couplet. Les journées commencent comme elles se terminent. Si j'ai pas l'air à vivre là, c'est le pollen qu'on extermine. Trop de problèmes. Trop de putes qui nous traitent de vermine, de frères dans la drogue, des parents avec des tristes, mais qui essuient leurs larmes. Des connes bancaires souvent dans le rouge, des familles habituées au drame. La France me fouette, je présume que toi c'est pareil. Quand elle me rend dedans, j'ai qu'un sourire de l'appareil. Comment tu veux que ça vive avec des proches qu'on fait de se au chômage. Des enfants qu'on met dans des cages en détention. Ils se plaignent de gens pris et humiliés par la vie. Quand ils incarcèrent des pères de famille. Combien de kiff, picole ou sniff, ou pas shot de sheriff. Pas d'académiser les constats, demi les plus tristes constats. Les jeunes ont les nerfs à vif. Combien de kiff, picole ou sniff, ou pas shot de sheriff. Pas d'académiser les constats, demi les plus tristes constats. Les jeunes ont les nerfs à vif.